Chapitre 14. Jean trouva son ami acharné à son travail. Il était bien rare qu'on le vît autrement que penché sur son bureau. Le visage du jeune Karzov était tellement changé par la douleur que Dournov lui prit les deux mains et l'attira vers la fenêtre pour mieux l'interroger. « Un malheur ? » dit-il d'une voix brève. Jean se laissa tomber sur un siège et fit un geste de la main qui signifiait « Tout est perdu. »« Quoi ? » s'écria Dournov. « On la marie quand même ?»« Non, » répondit Jean, « c'est pire encore. »« Comment pire que cela ?» Dournov recula d'un pas, les yeux hagards, et s'appuya contre la muraille. « Elle n'est pas morte, dit, » fit-il à voix basse. « Non, » s'écria Jean, « Dieu merci, mais elle se meurt. » Dournov passa la main sur ses yeux et se retint au mur. « Je l'avais pensé, » dit-il, « elle l'avait juré. » Après le premier moment de stupeur, il se fit raconter ce qui s'était passé chez les Karzov. La manière dont la maladie d'Antonine, soigneusement cachée par elle autant qu'elle l'avait pu, s'était enfin redécouverte. L'accueil qu'avait reçu Titolov, la consultation du docteur Z et enfin la permission tacite de ses parents de ramener Dournov au logis. « Si le bonheur peut la sauver, tu la sauveras, » dit Jean en terminant son récit. Le docteur a beau dire « Je ne puis me figurer que ma sœur soit condamnée sans recours. Elle a à peine l'air malade, et sans ses accès de faiblesse et quelquefois un peu de sang à son mouchoir, on ne pourrait supposer qu'elle est gravement atteinte. Les médecins se trompent souvent, si tu la ramenais à la vie. » « On me mettrait encore une fois à la porte, » interrompit amèrement Dournov, « et l'on donnerait Antonine à un autre général. Je connais le monde, mon ami. Tes parents ne sont ni plus ni moins mauvais que le reste des hommes. » En attendant, ce sont les âmes d'élite qui souffrent. Allons chez toi. » Il s'habilla rapidement, et les deux jeunes gens prirent en silence le chemin de la maison Karzov. En approchant de la porte, Dournov ne put retenir un geste de colère. « Quand on pense, » dit-il, « que je suis sorti d'ici il y a à peine un mois, laissant Antonine dans la plénitude de la vie, et que déjà il est trop tard. Elle a trop bien réussi son œuvre. Tu la sauveras, » dit Jean pour réconforter son ami. Et croyant lui-même à l'efficacité de la joie pour guérir la malade. « Je t'assure que le docteur s'est trompé, et s'il s'est trompé, tant mieux, car vous devrez votre bonheur à sa méprise. » Ils entrèrent et se rendirent dans le cabinet de M. Karzov. Pendant leur absence, les deux vieillards avaient été soumis à une rude épreuve. Après la consultation, Antonine fatiguée s'était endormie, et la Niania, pleine d'espoir, était accourue auprès d'eux pour écouter la confirmation de la bonne nouvelle. En apprenant que les paroles affectueuses du docteur n'étaient qu'un pieux mensonge destiné à tromper Antonine, la vieille femme resta atterrée. « Comment ? » dit-elle. « Ce n'est pas vrai. Et notre demoiselle doit mourir. » Les pleurs de Madame Karzov lui répondirent. La taille de l'humble servante sembla grandir tout à coup. « C'est votre faute, » dit-elle sévèrement. « Vous avez désobéi aux lois de Dieu qui veulent que chaque cœur soit libre d'aimer. » Vous avez préféré l'intérêt au bonheur de votre enfant, et Dieu vous la retire, c'est votre châtiment. « Nia, nia !» interrompit M. Karzov, « tu perds la tête. Comment te permets-tu de parler ainsi à tes maîtres ?»« C'est votre châtiment, » continua Nia, nia sans s'émouvoir. « Jamais votre fille ne vous avait donné de chagrin, et vous n'en aviez que de l'orgueil et de la joie, et vous l'avez affligée sans raison. Le jeune homme était pauvre, c'est vrai, mais il avait du mérite, et il aimait votre fille. » « Il l'aimait pour sa dot, » dit l'incorrigible Madame Karzov. « Ce n'est pas vrai, » riposta véhémentement la Niania. « Ce n'est pas vrai, et vous le savez bien. Vous avez mortellement offensé Antonine quand vous lui avez dit ce mensonge. Vous lui avez brisé le cœur. De ce jour, elle n'a plus eu de joie. » « Mais, » s'écria la mère, sans s'apercevoir qu'elle se défendait contre l'accusation de sa servante. « Elle devait le dire. Il ne fallait pas se taire et douter de notre amour. Elle vous l'a dit, » répliqua la vieille femme, toujours sévère et presque menaçante. « Pendant des semaines, elle vous implorait tous les jours de ne pas la marier à l'imbécile que vous aviez choisi pour elle, une tête vide qui n'avait pas un grain de bon sens dans sa pauvre cervelle, tandis qu'elle aimait ce garçon qui a plus d'esprit et de raison dans son petit doigt que nous tous ensemble. Elle vous a supplié de l'épargner. Avez-vous écouté sa prière ?»« Je ne croyais pas que ce fût sérieux, » répondit la mère, honteuse d'elle-même. « Voilà votre défense à vous autres, et c'est encore votre faute. Pourquoi n'avez-vous pas élevé votre enfant vous-même? Pourquoi l'avez-vous contrarié en tout? Je ne suis qu'une pauvre vieille paysanne, mais je savais qu'elle parlait sérieusement, moi. Et quand elle m'a dit « je mourrai », J'ai senti l'ange de la mort passer sur ses épaules. Oui, continua la Niania, pendant que les vieillards courbaient la tête sous la vérité de ses paroles. Antonine a commis un grand péché en cherchant volontairement la mort, mais de ce péché, c'est que vous êtes responsable devant le Seigneur, car il vous avait donné son âme à garder et vous n'en avez pas eu de souci. Et nous, malheureux que nous sommes, nous qui l'aimons et qui n'avons rien à nous reprocher envers elle, nous allons être malheureux, et tout cela à cause de vous, parce que vous avez préféré l'or et les dignités au bonheur d'Antonine. Toutes ces paroles entraient comme autant de flèches dans le cœur du père et de la mère. Pauvres gens, ils avaient péché par bêtise, par ignorance, manque de précaution, mais la croix qui leur tombait sur les épaules était bien lourde. Et le jeune homme, reprit la Niania, qu'allez-vous dire au jeune homme? C'était à lui que le Seigneur destinait Antonine, puisque leur amour était réciproque, et vous avez désuni ce que Dieu lui-même avait uni. « Si Antonine vit, je jure qu'il l'aura !» sanglota Madame Karzoff. « Je le jure !» répéta fidèlement son mari. La sonnette retentit. « Va ouvrir, Niania, » dit Madame Karzoff. « Et si ce sont des étrangers, dis que nous n'y sommes pas. » La Niania, ramenée à son rôle de servante, s'en fut humblement ouvrir la porte. C'était Jean et Tournoff. Elle les fit entrer dans le cabinet et alla prévenir les époux. « Déjà ?» dit Madame Karzoff. Elle ressentait une sorte de terreur à la pensée de paraître devant Dournoff. Il lui semblait que ce jeune homme allait lui demander compte de la vie de sa fille. Enfin, séchant ses yeux et composant son visage, elle entra. Dournoff se leva à son aspect et se tint debout, d'un air froid et respectueux. Madame Karzoff voulait l'intimider et lui faire sentir que s'il rentrait dans la maison, c'était par la force des choses. Mais à la vue de ce visage connu, auquel elle avait fait bon accueil pendant tant d'années, elle n'y tint pas, et se jeta à son cou en disant « Tâchez qu'elle vive, et tout, tout est à vous !»« Je ne veux qu'Antonine seule, madame, » répliqua le jeune avocat. « Oui, sans doute, mais tâchez qu'elle vive, cher Féodore, nous vous aimons comme notre propre fils. » Dournoff baisa la main de Madame Karzoff et reçut une accolade silencieuse du père. « Puis-je la boire ?» demanda-t-il sur le champ. « Elle n'est pas préparée, » répondit la mère, « mais une telle joie !» Elle se tut et hésita comme pour parler, puis continua de garder le silence. « Je n'ose pas, » dit-elle enfin, « j'ai peur. »« Niania le lui dira, » fit Jean, « c'est Niania qui la connaît le mieux de nous tous. » Madame Karzoff poussa un soupir. Il était bien dur pour elle de s'entendre dire ouvertement qu'une servante possédait plus qu'elle le cœur de son enfant. Mais ceci était encore une humiliation méritée. La Niania, prévenue, se rendit auprès d'Antonine qui venait de se réveiller, et toute la famille, sur la pointe du pied, se réunit derrière la porte de la chambrette. « Mon oiseau du bon Dieu !» dit la vieille bonne. « Mon oiseau du bon Dieu !» dit la vieille bonne. « Que veux-tu »« Donne-moi à boire !» dit la jeune fille. « Je me sens mieux d'avoir dormi. » Elle promena autour d'elle un regard satisfait. « Est-ce vrai ?» dit Niania. Que Titoloff est parti et qu'on ne m'en parlera plus. Je crois bien que c'est vrai. Il se cherche déjà une femme ailleurs, dit plaisamment la Niania. C'est qu'il est pressé, vois-tu. Antonine sourit. C'était la première étape du bonheur que d'être débarrassée de cet odieux personnage. On est disposé chez nous, continua la vieille femme, à te donner tout ce que tu demanderas pour avancer ta guérison, tout ce que tu voudras, sans exception. Ainsi demande. Oh, Niania, tout, ce n'est pas possible. « Il y a des choses qu'on ne m'accorderait pas. » Par exemple, Antonine rougit. Cette rougeur passa sur son visage comme une lueur fugitive et se fixa à ses pommettes amaigries. « On ne me permettrait pas de voir Dournoff, crois-tu ? Je crois bien que si. Veux-tu que j'essaye ? Oh non !» fit Antonine en la retenant timidement. « Non. Je vais voir, » insista la bonne en se rapprochant de la porte. Elle ne fit que sortir et rentrer. « Il va venir, » dit-elle, « sur le seuil. » « Ah !» fit douloureusement Antonine. « Il faut que je sois bien malade. » Madame Karzoff reçut ce reproche comme un coup de poignard. Mais ce cœur de mère, si paisiblement indifférent la veille, commençait à mesurer son amour par l'étendue de ses souffrances. Dournoff n'y put tenir. Il entra, courut jusqu'auprès d'Antonine et s'agenouillant près d'elle. « Pour toujours !» lui dit-il. Elle lui avait pris la tête dans ses deux mains et le regardait avec incrédulité. « Pour toujours !» répéta Dournoff, « tu es à moi. » Antonine appuya sa tête sur l'épaule du jeune homme en fermant les yeux. Ils échangèrent leur premier baiser. La Niania ferma la porte de la chambre et les laissa seuls. La famille Karzov pleurait de l'autre côté du mur.